France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1973, Jean-Paul Roussillon montait l'École des femmes à la Comédie-Française avec, en alternance, Pierre Dux et Michel Aumont dans le rôle d'Arnolphe et dans celui d'Agnès, une toute jeune pensionnaire de la maison de Molière, Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, que le grand public découvrait d'ailleurs cette même année à la télévision, dans une adaptation de l'École des femmes signée Raymond Rouleau avec Bernard Blier dans le rôle d'Arnolphe. Mais c'est bien à la Comédie-Française que nous allons entendre maintenant Isabelle Adjani et Michel Aumont lors d'une représentation enregistrée par l'ORTF de l'École des femmes, mise en scène par Jean-Paul Roussillon. Une pièce dont Jacques Lacan disait « C'est un fait. Plus la pièce est jouée, plus Arnolphe est joué dans sa note d'Arnolphe et plus les gens fléchissent et se disent « Ce Molière, si noble et si profond, quand on vient d'en rire, on devrait en pleurer. » Les gens ne trouvent presque plus compatible le comique avec l'expression authentique et submergente de l'amour comme tel. Pourtant, l'amour est comique, quand c'est l'amour le plus authentiquement amour qui se déclare et qui se manifeste. L'École des femmes, dans une mise en scène de Jean-Paul Roussillon, diffusée la première fois le 26 août 1973 sur France Culture. Présentation par Jean-Paul Roussillon. Le thème de l'École des femmes est en fait le thème de beaucoup de farces du Moyen-Âge. Le barbon trahi par l'ingénu qu'il avait le ridicule de vouloir se réserver au profit d'un jeune garçon en son printemps. Thème inusable qui allait souvent resservir encore, pensez à Beaumarchais et au Babi de Séville, entre autres. Si Molière, pourtant superbement entraîné à la confection de la farce, a étalé son sujet en 5 actes et lui a donné le ton et l'ampleur de la grande comédie, il y a bien une raison. Si l'École des femmes n'était qu'une farce, même élargie, elle n'aurait pas suscité les vives réactions qu'elle déclencha et était si violemment attaquée. Quelle effervescence dans le panier de crabes, ou plutôt de vipères, où s'agitent particulièrement Donaud de Visé, Bourceau et Montfleury, le comédien de l'Hôtel de Bourgogne. Une agitation qui, à notre époque, peut paraître excessive, mais qui obligea Molière à se défendre avec la critique de l'École des femmes, puis les attaques se faisant de plus en plus ignobles et personnelles avec l'Impromptu de Versailles. Arnolphe est grotesque, certes, mais il appelle la risée, il dégoûte également et émeut parfois. Il est multiple parce qu'il est avant tout humain. L'une ou l'autre des faces du personnage peut frapper plus ou moins et ce n'est pas trahir l'auteur que de porter plus d'intérêt à l'une ou l'autre de ses faces. Dans sa réalisation scénique de la pièce, tout en respectant scrupuleusement l'essentiel de la pensée profonde et des indications de Molière, Jean-Paul Roussillon a choisi de mettre l'accent sur le côté inquiet et tourmenté, bourreau d'autrui, mais aussi de soi-même, d'Arnolphe. Cela révèle sans doute à nombre de spectateurs la profondeur de l'étude du personnage et l'amertume secrète de la pièce. Cela atténue peut-être l'ampleur des rires, mais cela donne une plus large résonance à l'œuvre. Nous avons demandé à Jean-Paul Roussillon de nous parler lui-même de l'École des femmes telle qu'il l'a conçue. Voici ce qu'il nous a dit. Bien, je crois qu'il est assez difficile pour un metteur en scène, quand il va y avoir des auditeurs ou des spectateurs qui vont voir un spectacle, que le metteur en scène parle un petit peu de ce qu'il a fait. Je crois que le spectacle doit parler pour lui et que les spectateurs ou les auditeurs doivent avoir eux-mêmes leur jugement. Et si j'ai souhaité faire des choses dans l'École des femmes, ça doit se voir, ou sinon c'est que je n'ai pas réussi ce que je souhaitais. Je crois qu'il y a peut-être des petits points, quand une pièce de théâtre passe à la radio, que l'on peut peut-être un peu préciser pour les gens qui n'auront pas bien entendu l'image, qui n'auront que l'audition bien entendu, c'est que je crois que dans le personnage d'Arnolphe, je ne crois pas d'ailleurs, j'en suis sûr, il y a une progression d'un homme assez strict au début, et qui petit à petit s'humanise et commence à avoir les soucis de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien l'amour, l'inquiétude, la peur, et la crainte. C'est exactement la même chose pour le personnage d'Agnès, qui elle-même au début est tout, toutes petites jeunes filles qui ne connaissent strictement rien de la vie et qui petit à petit découvrent cette vie et finit, je veux dire, en jeune fille presque consciente de ses responsabilités. Je crois que à l'audition, le texte le dit suffisamment, que tout doit être compris, mais il est peut-être intéressant de dire aux auditeurs que sur une scène, ces sentiments intérieurs sont poussés aussi par des choses visuelles. C'est-à-dire que, au départ, par exemple, pour Arnolphe, nous tombons sur un personnage d'une articulation que les gens entendront très stricte, mais aussi, au point de vue vestimentaire, très stricte. J'entends avec perruque, avec chapeau, avec canne et avec un costume enfin très, très simple, très sobre, mais enfin très strict. Et que petit à petit, en fonction de son intérieur qui petit à petit se dégrade, de cette écorce qui s'en va de lui pour redevenir un homme, son costume aussi suit la même évolution, c'est-à-dire que au bout de la deuxième scène, je crois, il commence à abandonner son chapeau, ensuite sa canne s'abandonne, ensuite sa veste s'abandonne, sa perruque aussi s'abandonne, et il finit en chemise et en pantalon. Et pour Agnès aussi, le personnage d'Agnès, cette évolution dont je vous parlais tout à l'heure, consiste aussi, et déjà avant tout intérieure, mais extérieurement aussi, ce passage de la jeune fille, de l'enfant tout au moins, la jeune fille consciente de ses responsabilités, se fait aussi légèrement, plus discrètement, mais d'une façon aussi vestimentaire. Au point de vue théâtral, nous avons essayé de faire une suite logique, c'est-à-dire sans arrêt. Je pense que pour la radio, ça va reproduire exactement la même chose. Nous l'avons, au point de vue théâtral, fait sur une scène tournante, c'est-à-dire qu'à certains moments, nous nous trouvons à l'intérieur de la cour d'Agnès, et d'autres fois, comme la pièce le dit d'ailleurs, à l'extérieur. Et avec ce plateau tournant, il n'y avait pas besoin ni de changement de décor, ni rien, c'était simplement le décor qui par lui-même tournait. Je crois que j'ai tout dit ce que je peux dire, et j'espère que toutes les intentions que j'ai voulu y mettre, et la joie qu'on a tous pris à faire ce spectacle, se traduira aussi bien pour les auditeurs. Ajoutons que l'école des femmes se donne sur la scène de la comédie française telle que vous allez l'entendre, c'est-à-dire sans entracte, ce qui concentre l'attention. Dès que vous êtes entré dans le drame, il ne vous lâche plus. Les noirs nécessaires entre les actes sont très rapides et ne laissent pas le temps de la distraction. Le décor de Jacques Le Marquet, d'une heureuse sobriété, aide à cette concentration. Le regard est invinciblement attiré par le bloc central de la solide et rébarbative forteresse où Arnolphe tient Agnès enfermée. Autour de ce bloc, la rue, où circulent l'oreille et l'œil aux aguets, dévorés de curiosité, les petits vieux du quartier. La maison est montée sur une tournette qui nous permet de découvrir l'autre face et la cour du blockhaus. Vous l'entendrez d'ailleurs en cours d'action, cette tournette, car les micros, par leur fonction même, ne sont jamais discrets. Sur la scène du Théâtre Français, deux des rôles de l'école des femmes est joué en alternance. Arnolphe est tantôt Pierre Dux, tantôt Michel Aumont, Horace est tantôt Michel Duchaussois, tantôt Raymond Acquaviva. Ce sont Michel Aumont et Raymond Acquaviva que vous entendrez aujourd'hui. Mais Agnès est toujours la jeune et charmante Isabelle Adjani, dont la fraîcheur, le naturel et la sensibilité contribue beaucoup à la vérité humaine dans cette réalisation de l'école des femmes. Acte 1. Arnolphe et Chrysalde s'approchent de la maison où loge Agnès. Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main? Oui, je veux terminer la chose dans demain. On peut, ce me semble, sans crainte d'être oui, discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur, et de quelque façon que vous tourniez l'affaire,

Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver. Et l'on cherche souvent plus. Qu'on ne veut trouver. Acte 2. En scène, Arnolf. Il m'est dans ce que j'y pense avantageux, sans doute, d'avoir perdu mes pas et pu manquer sa route. Enfin, de mon cœur, le trouble impérieux ne puisse renfermer tout entier à ses yeux. Il fait éclater l'ennui qui me dévore, et je ne voudrais pas qu'il sût ce qu'il ignore. Mais je ne suis pas homme à gober le morceau et laisser un champ libre au vœu du damoiseau. J'en veux rompre le cours et sans tarder apprendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt, je la regarde en femme au terme qu'elle en est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte et tout ce qu'elle a fait, enfin. Et sur mon compte, éloignement fatal, voyage malheureux. Ah, mais que c'est quoi? Venez ça, tous deux, passez-là. Passez-là, venez-là, venez, dis-je. Oh, vous me faites peur, et tout mon sang se fige. C'est donc ainsi qu'absent, vous m'avez obéi, et tous deux, de concert. Vous m'avez donc trahi! Oh, ne me mentez pas, monsieur, je vous conjure. Quelques chiens ont ragé la mort, et je m'assure. Je ne puis parler tant. Je suis prévenu. Je suffoque et voudrais me pouvoir mettre nu. Vous avez donc souffert aux canailles, maudite. Qu'un homme sois venu, tu veux prendre la fuite! Il faut que, sur le champ, si tu bouges! Je veux que vous me disiez. Oui, je veux que tous deux, quiconque remuera! Par la mort, je la somme. Comme est-ce que c'est moi? C'est introduit, c'est homme. Parlez, dépêchez vite, prends ton manteau. Sans rêver, veut-on dire? Le corps me faut. Je meurs. Je suis en mort. Prenons un peu d'haleine. Il faut que je m'évente. Et que je me promène. Aurais-je deviné quand je l'ai vu? Petit, qu'il croîtrait pour cela. Tiens, que mon cœur battit. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche, je tire avec douceur. L'affaire qui me touche, tâchons à modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur. Doucement. Levez-vous et rentre en fait qu'Agnès descende. Arrêtez! Sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, ils iraient l'avertir et moi-même, je veux l'aller faire sortir. Que l'on m'attende ici!

comme il me vit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir. Et ne puisse en pleurer, voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Les gens doivent accuser mon absence imprudente qui sans guide a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pendard dans ses vœux téméraires un peu plus fort que ceux n'aient poussé des affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue... Apprenez-moi, les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal, sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il? Étant seul avec vous. Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans, remue certains, je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Ah, fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal, outre tous ces discours, toutes ces gentillesses. Ne vous est-il point aussi quelques caresses? Autant! Il me prenait et les mains et les bras. De me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès? Quelque autre chose. Ah! Il m'a... Quoi? Pris. Et? Le... L'été. Je n'ose. Et vous vous fâcheriez peut-être contre moi? Non. Si fait. Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si. Non. Bien que des mystères, qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas, mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il pas exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger. S'il en eût demandé, pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si je retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est un effet... Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire... Au point, il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Ah! Vous ne savez pas ce que c'est que sa foi, mes enfants, apprenez. Qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur est un péché mortel. Des plus gros qu'ils se fassent. Un péché, dites-vous, et la raison de grâce. La raison est l'arrêt prononcé par ses actions. Le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui. C'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi, et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui. Oh, que vous me ferez aise! Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez? Nous deux? Rien de plus assuré. Oh, que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir, cela vous fait donc rire. Oui. Vous voir bien contente. Dès ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu ponte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout prêt. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce, que venant au logis, pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte, honnêtement, et lui jetant, s'il heurte, un grès par la fenêtre, l'obligiez, tout de bon, à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, cassé dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, il est si bien fait. C'est... Arcre de langage. Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? Qu'est-ce que c'est? Georgette.

C'était L'école des femmes de Molière, dans une mise en scène de Jean-Paul Roussillon à la Comédie Française, diffusée la première fois le 26 août 1973 sur France Culture. Avec Michel Aumont, Arnolf, Raymond Acquaviva, Horace, Marco Béard, Enrique, André Rebaz, le notaire, Jean-Paul Moulineau, Alain, Louis Herbessier, Oronte, Georges Riquier, Chrysalde, Denise Jans, Georgette, Isabelle Adjani, Agnès. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.